Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout amateur de rock progressif. Ce soir, on a un second extrait de l'album Past and Present de Kimmo Porsti, le batteur et membre de Samurai of Prog. Il en est à son troisième disque solo et on remarque notamment la présence dans les collaborateurs de Ton Skerpendil, de Kayak. Les deux musiciens ont d'ailleurs formé un groupe qui s'appelle The Guild Master avec l'aide évidemment de Marco Bernard à la basse, de Samurai of Prog. Un album est paru en décembre de Night and the Ghost. Et puis, ça sera suivi de Argus. Ça nous vient des Pays-Bas, de l'album The Outsider. Et après ça, un petit tour du côté du Royaume-Uni avec Live Signs de leur excellent album Altitude. Et on a d'ailleurs présenté peut-être un mois et demi, spécial sur cette formation britannique. Et puis, Marc, on a une nouveauté italienne et une nouveauté britannique aussi pour compléter le bloc. Oui, en effet, en Italie, avec la nouveauté de Bernardo Lanzetti, mieux connu comme chanteur de Acqua Fragile, PFM, Mangalavalis. Et c'est son nouvel album Horizontal Rain qui vient juste de paraître. Et il y a sur ça la participation de plusieurs musiciens bien connus, dont Tony Levin, David Jackson, Derek Sherinian et David Cross. On aura la pièce Hero Un Num Hero. On aura également un nouvel album de la formation britannique The Osiris Club, paru à la fin 2020. Et c'est leur troisième album qui fait un mélange entre le rock psychédélique, le prog, également quelque chose de plus post. Donc, on aura la pièce Blind Hair. Ça, c'est de l'album The Green Chapel. Mais tout d'abord, comme le disait Michel, il y aura Live Signs, Argus, et on débute avec Kimmo Porsti. Restless feet push me to walk on the open door, whispers to come along. This dew-drenched day looks just like sparkling wine. I pack my bag, think I'm coming back with an open mind. The sun will be my guide. Day after day I walk to dusty roads, not caring where pathway ever goes. These burnout shoes will walk through rain or shine. My dark brown skin, a gift from all the sun. I feel your weight. Our love is destiny. Through the night I search the sky. Thank you. so brightly waiting for some guidance through. Ryan Shock, it's our road to your climbing down from Kathmandu. On Sandy Storm and World Sirocco, it blinds my eyes. Roaming has lost its glow. I miss my home when I am all alone. This body spent no longer needs to roam. Turning around, the road leads back to you. I search the sky and gaze at each and every star. Still they look just like your face, and then I wonder how you are. Constellations shine so brightly, waiting for some guidance through. Orion shot his arrow to you. ships no longer sail. She feels as if she's dreaming. She looks into the gale. For all the boats are counted, but there's one that's still away. The only sound is water all around. A wall of sea surrounds him, confronting all his fears. The seething mass sustained him, a friend for all these years. Now the tide is turning, he can feel the undertow. The only sound is water. era un numero, un numero che non contava, che a tutti gli altri numeri lui si sottraeva. Era un numero, un numero sì per davvero, che pur diviso e combattuto restava sempre un numero intero. Fondo a un logaritmo, ballavo al buio tutto solo, a un canto triste senza ritmo. Era un numero, ma ora elevato all'ennesima potenza, son fuggito con una bella cifra tonda con cui ho perduto l'innocenza. On a perfect perfect night before the cloudless, still and faceless light. CKRL, communication, culture. Avec le concours Gagner à être vacciné, votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi doux, un lot de 150 000 $ et deux bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'un million de $ seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours Gagner à être vacciné au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec. CKRL 89.1. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour notre second bloc, j'ai retenu deux pièces de Ske. C'est le nom sous lequel le claviériste italien Paolo Botta travaille. Et un claviériste très occupé qui fait partie aussi de Not a Good Sign de Jugend et qui a aussi contribué aux trois premiers albums de la formation sicilienne Homunculus Res, un excellent groupe en passant. Et donc, on présente deux extraits de ces albums parus sous le nom de Ske. Un extrait de son plus récent Insolubilia et puis... Pour suivre, on va avoir un extrait de son premier essai qui a pour titre « Mille Ottoni ». Et puis Marc, je pense aussi qu'on va avoir des nouveautés en provenance des Pays-Bas et de l'Espagne. Oui, on a le groupe Hollow Drifter, ils sont d'Amsterdam. C'est leur troisième album. Alors, leur premier est paru en 2009 sous le titre de « Panacea » et leur second en 2020 sous le titre de « What We Fear Before. Alors là, c'est leur nouvel album qu'on vous présente, Echoes of Things to Come, la pièce 12 Dozen. Et on aura également le groupe espagnol avec leur premier album, le groupe Anaert, et c'est l'album Nuestro Tiempo. Alors, c'est un groupe qui est formé depuis 1995. Ils ont pratiqué beaucoup, joué en spectacle, et c'est leur premier essai en CD, donc après toutes ces années. On aura donc de l'album Nuestro Tiempo la pièce Un avion de papel, mais d'abord Hollow Drifter et, comme vous l'annonçait Michel, deux pièces de la formation Ske. «

Hi there, I'm John Young from Life Science, and you're presently listening to Terra Incognita, the progressive reference of Quebec City, Canada. Caerá. CKRL 89.1. Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. CKRL 89.1. Québec. Cultive tes goûts. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel et Marc. Alors, pour le troisième bloc, on aura la formation de Norvège Caligonaut, qui est vraiment un superbe album paru dans le début de l'année, de cette année. Et dès février, Michel nous en avait fait partager des extraits, des premières pièces. Et il s'agit de l'album Magnified as Giants. On aura la pièce Hushed. Alors Michel, on parlait la semaine dernière de spectacles qu'on avait vus. Moi, quand je me replonge dans mes albums, j'y vais beaucoup avec mes coups de cœur qui sont certainement liés au groupe que j'ai vu en spectacle et aux albums que j'ai vu en spectacle. Et dans celle-ci, il y a la formation Unreal City et leur premier album, La Crudeltà di Aprile. Et on aura la pièce Dove la luce è più intensa. Mais tout d'abord, La Maschera di Cera, Michel, on a cette formation qu'on aura peut-être la chance de voir, qui était programmée au Festival Terra Incognita 2020 et qu'on aura peut-être en 2022. Qu'on aura assurément en mai 2022, si évidemment la situation le permet. Ce que j'ose espérer, j'avoue que je ronge mon frein depuis assez longtemps, merci. Et je peux vous dire que tous les musiciens ont vraiment hâte de remettre les pieds ici, dont Fabio, qui m'a, Fabio Zuventi de La Maschera, qui me dit qu'il rêve à la journée où est-ce qu'il va monter sur la scène du Centre d'art. Et ben, on en rêve tous, et j'espère que ça va se concrétiser. Et écoute, tu me parlais aussi d'Unreal City, ça a été une des belles découvertes au festival. Plusieurs ont découvert le groupe là, et je me rappelle de leur tout premier concert au festival, les gens étaient plus qu'impressionnés. Et puis, ben, mon Dieu, Caligonaut, quoi dire d'autre que c'est, ça a été un de mes coups de cœur. Et puis, probablement un des bons, très bons albums, même de prog norvégien. Pour le moment, ce qu'on va écouter, par contre, ben, c'est La Maschera di Cera, de leur plus récent album paru en 2020. Ils devaient le lancer, d'ailleurs, au festival SEI. Et on écoute la pièce Il Circhio del Comando. We'll be right back.

gettato via, perduto nella luce eterna di un'altra età. Nessuno sa se finirà la sua poesia. give me a hush gray world, paint it for me to float amid the dewy grass. Don't let the day begin without the neon lights, the panic they bring, this roar of noises turns my eyes opaque. Then restore the dampened chime my memory sings from when it was all aligned and perfectly dim. So numbed by everything I face, and I am everywhere but here.

Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec. CKRL, communication, culture. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita. Alors, pour ce dernier bloc musical, on fait un retour en arrière en 2004 avec la formation Amagrama qui présentait son premier album Cyclotimia. On va se rappeler des bons souvenirs des premières années de notre émission avec la pièce Cyclotimia. Et pour débuter, ben on parlait tantôt, Michel, des formations qui nous ont marqué en spectacle. Moi, je fais référence au festival Terra Incognita et la formation Il Castello di Atlante. On aura la pièce La Foresta dietro il Mulino di Johann. Michel, ça, c'était toute une expérience. Oui, tout à fait. On a eu le plaisir de les accueillir même à deux reprises. Des musiciens très enthousiastes pour résumer. Et même que lors de leur second concert dans le cadre du festival, j'ai même dû intervenir pour les faire sortir de scène. Ils ne voulaient pas arrêter. Et c'était, ben, on le prend avec un sourire parce qu'ils ne se rendaient pas compte que le temps passait et que ils étaient en train d'empiéter un peu sur leur mais trop emporté par le plaisir de jouer. Il y avait des gens vraiment très sympathiques que ces gens d'Il Castello di Atlante. Et ben, tu me parlais d'Amagrama, un groupe argentin. C'est vrai qu'à l'époque, début des années 2000, il y avait comme une espèce de renaissance, là, ou plutôt une naissance d'une scène progressive en Argentine. Il y avait aussi Nexus à l'époque. Ouais, des beaux souvenirs. Et puis, ben, on en parle et on va l'écouter. Il Castello de leur premier essai, Sono io il signor del terre a nord. Quando quel vecchio vento del nord comincia a soffiare gelido tra gli scheletri della foresta e a dar vita alle pale del tuo mulino, tu accosti le mani alla bocca. Io Yeah. Thank you. soir, on vous laisse avec la formation hongroise After Crying, un extrait de l'album Struggle for Life, un album double paru en 1999, et on retrouvait John Wetton comme invité spécial pour l'interprétation de la pièce Starless, une formation qui, malheureusement, je pense, est inactive ou dissoute. Le dernier disque studio est paru en 2011, donc il y a 10 ans, ce qui est dommage parce que c'était vraiment un groupe original. Eh bien, c'est ce qu'on va écouter dans quelques instants. Je vous rappelle que l'autoroute suit. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. Sose hittem semmi csodát, sohasem fájt ennyire még ez a képmutatás. Nem igaz, hogy jobb a világ, kifizettem mind, ami járt, iszonyú zsarolás. Tedd el a pénzt! Sose bízott bennem az ég, sose osztottak nekem ázt, se a hőszerepét. Kitaszított 2000 évnyi megalázó algudozás, legyen ennyi elég. Tedd el a pénzt! Nyomorultak sóhaj a szál, csupa bank és gyár a világ, hol a gondviselés. Telefon csönk, hív a halál, de te buzgom, mondd az imád, mut a lelkesedés.

J'ai eu la chance d'être élevé à 1 000 environ d'une piste de course qui était l'Autodrome Val-Bélair dans les années 70. Mes parents m'apportaient là en très jeune âge. Puis la première fois que j'ai réellement vu du beau lettrage à la main, c'était sur les voitures de StarCar. Pierre Tardif, lettreur, l'art oublié du lettrage à la main. L'ordinateur est omniprésent. Il est partout, partout, dans toutes les facettes de notre vie maintenant. On ne s'imagine pas que quelque chose peut être fait aujourd'hui sans ordinateur, encore plus que ça, sans électricité. Puis ce que je fais, c'est plus beau que l'ordinateur. C'est chaleureux. Ça a de l'âme. Il y a de la passion en arrière de ça. C'est pas froid. C'est pas robotisé. C'est un être humain qui l'a fait. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Amateurs de groove, de funk, de jazz, de soul et surtout d'afrobeat, tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous. Messieurs Dynamite. Messieurs Dynamite, c'est 4 animateurs qui se partagent chaque semaine la barre de cette émission riche et colorée. Vendredi soir, 18h30, au 89.1. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps. Vers où tu t'en vas? Ben, je prends l'autoroute 89,1. Wow, j'embarque. I'm on the road again. I ain't got